roi du lune. Tu fais des lunes de pure comme des lunes. Je ne tiens sur le gang. De ici. Je ne tiens sur le gang. Ne pas de I. Pas que le young. Pas que le ying. T'es pas dans cuisine. T'es pas dans les gangs. Tu nais dans les crampins. T'es mort dans les vides. Les pieds le dit car manu on est vite. Blanc dans les vitres à la barre on est 8. Kilo de shit. Petit à 8, des petites fuites, des délits de fuite. Tu dors dans nos hôtels dans la petite suite. J'aime ni le grand fric ni la petite suite. 10 ans en central, ça passera vite. 10 ans en central, ça passera vite. T'as inventé la pute, tu me suces rapide. J'ai mal de gorille, tu vas te manger la suite. Je peux que la pauvre et je peux que la riche. Si tu cherches les jeux, tu demandes à ta riche. AK-47 dans ma boîte à ma liste. Je m'en bats les couilles, puis c'est ma liche. Avant de manger tes morts, tu vas te manger la vitre. Moi et la liste, moi et l'artiste. Je viens de passer la Suisse, je viens de passer la Suisse. Des UC, je confirme mon artiste. T'es usé, je confirme, on a touché la cible. Je les sens, tu les sens, tu les ainsi de suite. T'es pas sur aucun LM, il faut changer de suite. Éclat de métal dans du bro optique. Mes compatriotes ont un patriotique. Quelques likes, tu t'es antibionique. Je veux dire, tu arrêtes les antibiotiques. Le AR n'a qu'à faire de l'acoustique. Début de carrière dans l'arrière-boutique. Silicone, pas besoin de sous-titres. Les voix agonisées, pas besoin de sous-titres. 9 mm, car c'est préconisé. Counter, tinte, terrorisé. C'est qu'à l'autre héroïsé. Pillard son bas Claudia sans pétroïsé. Vol, négro, je vais te coloniser. T'as zéro swag, zéro, on va te holomiter. Première de gratos. Le volant s'est fidélisé. Patos locos importants dans ta zéna, me suis sans micro-mise. Sur ma table, y'a une pute qui danse debout. Y'a ma paire de couronnes. La prochaine fois que tu veux lever sous le head, sous l'envoi des voyous qui s'y connaissent. Cherche pas les clés de mon cœur. J'ai que les clés de la lampe. Je suis Akila Arco, niquer des mères c'est le scénario. Niquer des mères c'est le scénario. Niquer des mères c'est le scénario. Diamant se plate en enquête, content trop comme Aziz. Akila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la deal. Diamant se plate en enquête, content trop comme Aziz. Akila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la deal. Attila mon ancêtre.